C'est partager son âme. Chanter, c'est partager son pain. Chanter, c'est remercier la vie. Chanter encore et se donner. Dans un flot de musique, aimer, c'est construire un jardin.